ghetto ghetto rockstar. M2S mes sols. JS à la prod. Wesh Pierrot ça dit quoi hein? Diversion studio. C'est pour les vrais ça. Façon les vrais ça. Bunker Bros. EDR. Les SLK. JS. En face les keufs des mains. Lève le pied ou ce sera comique office. Mets le fric dans une enveloppe pour plus tard ou ce sera commis d'office. Chaque jour on mise nos vices. C'est sur Iblis qu'on mise nos vices. Fantôme à l'assassin depuis que je sais qu'y'a pas de comique au fisc. J'suis un gapiste mais certaines meufs diront que j'fais le bouc. Si t'as un truc à dire t'as spé ta piane Richard sur Facebook. J'ai mal au crâne même sans whisky qui se promène dans le ventre. Un chlas ça fait moins mal qu'une meuf qui fait des promesses dans le vent. Les bises de drogue et les précieux métaux. Fais le bif tout seul tes potes qui pleurent au poste sous les présumés taupes. Y'a plus de personne pour qui j'suis là pour eux, des fois j'm'en prends. S'il y a pas d'intérêt, les gens me parlent pas de vos vies, j'm'en branle. Le diable me bat, tu sais, j'écris des rimes qui choquent les nonnes. J'imagine pas que ma vie soit belle sans l'assassin de John Lennon. Le but est devant moi, toujours après la fin de frappe. Avec ou sans contrat, ça nique le PNF à chaque fin. On veut que les étoiles tombent, pas de prière pour Vesky, les hécatombes. L'espoir allume la mèche, le cœur pas la prépare des éclats de bombe. J'garde le moral, j'relativise comme un opportuniste. Perdu dans l'océan, la poisse veut pas que j'amarre au bord du nid. Partout ça tire, c'est sur les gars comme nous que les balles s'en vont. Toutes sont assez vertes, ces ciels orageux me fera sans fond. Ça vous dans le mur, mais souvent le décor cache un panneau stop. Parcelé par les chefs, mais dans le four rap, on cachera pas nos strophes. Je suis construit seul, entre la débrouille et la poisse. À force de côtoyer la rue, j'ai appris à me fondre dans la masse. Je suis payé à bas prix, en tant qu'ouvrier d'état. Loin des idées, à Sarkozy, je lui braquerai bien un Beretta. Oh, la corde au cou, le diable est venu brûler mes rêves. Ma vie est une guerre où il n'y a jamais de trêve. Demande à l'SFK, nous on suit la voie des morts. Ce qu'on fait, que notre musique est aujourd'hui en plein essor. Je m'accroche au rap pour dévoiler toute ma haine. Sur un beat de JS, j'envoie une bastos pour que ça saigne. 10 ans au compteur, EDR c'est la machine. Pete Phoenix aux commandes, je peux te dire que c'est la matrice. En préparation de l'album, tout est basé sur le cœur. Sur le respect de la famille, de nos frères et de nos sœurs. Dans 9-1 gros, je peux te dire qu'on est soudés. Qu'on a la vibe universelle, que je me sens bien sur ce couplet. On veut que les étoiles tombent, pas de prière pour Vesky. Les hécatombes, l'espoir allume la mèche. Le cœur bat la prépare des éclats de bombe. Le moral, je relativise comme un opportuniste. Perdu dans l'océan, la poisse veut pas que j'amarre au bord du nid. Partout ça tire, c'est sur les gars comme nous que les poils s'en vont. Les doutes sont assez vers un de ces ciels orageux que nos phrases s'en font. Ça fonce dans le mur, mais souvent le décor cache un panneau stop. Parcelé par l'échec, mais dans le four rap, on cachera pas nos drops. Les étoiles tombent, pas de prière pour Vesky. Les hécatombes, l'espoir allume la mèche. Le cœur pas la prépare des éclats de bombe. Car le moral, je relativise comme un opportuniste. Perdu dans l'océan, la poisse veut pas que j'amarre au bord du nid. Partout ça tire, c'est sur les gars comme nous que les balles s'en vont. Les doutes sont assez vers un de ces ciels orageux que nos phrases s'en font. Ça fonce dans le mur, mais souvent le décor cache un panneau stop. Parcelé par l'échec, mais dans le four rap, on cachera pas nos strophes.